déchirée. Elle est là, sur le seuil de ses dieux détrônés, portant toujours l'amour sous ses écailles d'or. Elle ouvre son cœur aux sages, et dans la nuit venue sur les quais, elle attend que l'ange la trouve nue, pleurant comme une enfant. Plongeant dans l'au-delà, ses yeux de soif ardente, elle sait qu'il n'est pas de repos pour l'amante. Il vient sans retard, les inconsolés du hasard.